L'amour est un lien unique qui relie deux personnes. On se sent plus fort quand on est deux et qu'on se comprend mutuellement. C'est un appui qui nous permet d'avancer, pas forcément pour aller plus vite, mais surtout pour aller plus loin. On s'épaule, on rit ensemble, on se console. Je ne suis pas ici pour vous parler d'amour, c'est à chacun de découvrir comment ça marche, car il n'y a pas de tuto pour ça. En revanche, c'est un thème qui aura fait et fera couler beaucoup d'encre dans les textes des chansons. Parce qu'après tout, il n'existe pas de tuto, mais on peut dire ce qu'on ressent en musique. Ça parlera forcément à quelqu'un. On peut donc chercher à rassurer l'être aimé sur une jolie balade. Loin de moi l'idée d'en faire une thèse. Non. C'est quoi la baise ? Non. We are in France. We speak French. Ok ? C'est d'être conscient de la supériorité de la langue française. You are so French. Quoi la baise ? Si je vous dis dreadlocks, vous me répondrez certainement... Reggae. Et si je continue ce petit jeu, si je vous dis star du reggae, vous me répondrez probablement Bob Marley. Ah, j'allais dire marijuana, mais c'était trop facile. Le 6 février 1945, alors que le 21e régiment d'infanterie coloniale libère une commune du Haut-Rhin au nom imprononçable, de l'autre côté de l'Atlantique, Robert Nesta Marley voit le jour à Nine Miles, en Jamaïque. Il grandit en partie dans un ghetto de Kingston, Crenshaw. Wink wink, vous ne voyez pas mais je vous fais un gros clin d'œil appuyé. C'est pas très radiophonique. À l'école, il se lie d'amitié avec Bunny Livingstone. Ce dernier deviendra par la suite Bunny Wellers. Soutenu par un petit débutant de nom de Johnny Cliff, Bob enregistre son premier 45 tours en 1962 sur le label Beverly's. Il fait la rencontre de Peter McIntosh, qui deviendra Peter Touch, qui viendra compléter le duo pour former un trio, Bob, Bunny et Peter. Les Wellers sont nés. À l'été 1963, ils enregistrent au Studio One, le tube Slimmer Down, qui restera deux mois en tête du hit parade au début de l'année 1964. Il se marie avec Rita Anderson en 1966. Wink wink, nouveau clin d'œil audio. Dans le début des années 70, le reggae est en train d'exploser au niveau international. Enfin, en contre-temps quand même, faut pas déconner. Et les Wailers sortent tranquillement Catch a Fire en 1972, qui est un succès d'estime, mais donne le ton pour la suite. Bunny Wailers décide de quitter le groupe, mais participe aux sessions de Burning, qui sort en 1973 avec I Shot the Sheriff et Get Up Stand Up. Puis Peter Touch est lancé du groupe, qui devient Bob Marley and the Wailers. Parce que, pourquoi pas ? En 1974, la reprise d'I Shot the Sheriff par Eric Clapton atteint la première place des charts, et participe au succès de l'original. L'album qui suit sera donc plus attendu que ses prédécesseurs. Naughty Dread sort en 1975, c'est donc le premier album sans Bunny Wailers et Peter Touch. Le line-up a évolué et les High Trees, dont fait partie Rita Marley, sont engagés comme choristes. Comme je ne vous ai toujours pas divulgué la chanson du jour, sachez que c'est le single de l'album. Et autant clore le débat tout de suite, sa traduction n'est pas « pas de femme, pas de larmes ». Mais bel et bien, non chérie, ne pleure pas. Vous l'avez compris, il s'agit bien de « No Woman, No Cry ». Et s'il y avait des virgules dans le titre, le débat n'aurait jamais eu lieu. Le titre est crédité au nom de Vincent Ford, un ami d'enfance de Bob Marley, dans le but que les crédits de la chanson puissent garantir la survie de la soupe populaire se situant à Trenchtown. Et ça, c'est super cool! Le titre et le refrain proviennent d'un proverbe jamaïcain. Bob Marley évoque dans ce texte son passé dans le ghetto de Trenchtown avec sa femme Rita. Il évoque des souvenirs et la rassure, un peu comme pour dire qu'il se souvient par où ils sont passés et que le futur ne peut être que radieux. Donc ne pleure pas, tout va bien se passer. On peut rapprocher No Woman No Cry à la chanson de Charles Aznavour, La Bohème, dans le sens où on évoque un quartier, un style de vie où les narrateurs ne possédaient rien, et y repensent pourtant avec de la nostalgie. Les fans hardcore de Charles Aznavour ont déjà sorti leur fourche pour nous punir de cette comparaison. La version la plus connue de No Woman No Cry est la version live de 1975, enregistrée à Londres. Un tempo plus lent, un côté plus mélancolique, cette version est ancrée dans la mémoire collective. Avec un petit Larsen sur le premier couplet. Je préfère cependant la version album, avec un côté minimaliste au niveau de l'instrumentation et un message qui semble plus optimiste, sûrement dû à la différence de tempo. Et on entend toujours la version live dans les festivals de reggae, donc ça arrange pas non plus. C'est la chanson phare de Bob Marley, un message rempli d'espoir malgré une situation délicate. À l'image de sa carrière, Bob Marley s'est toujours battu à travers la musique pour l'union de la Jamaïque, pour une égalité des classes, pour un monde en paix. À sa mort en 1981, il aura droit à des funérailles nationales, le dernier hommage de la Jamaïque et de ses habitants. Je vous imagine maintenant en train de chercher qui va être l'alter ego français de Bob Marley, qui a osé reprendre No Woman No Cry. Alors certes, la coupe de cheveux change radicalement, des dreadlocks on passe à un brushing des enfers, d'un jean troué on passe à un super pantalon pas de def blanc, et de trench town on passe aux Champs-Elysées. C'est bon? Vous l'avez? Le seul, l'unique, si la VOSTFR avait un roi, on poserait volontiers une couronne en papier sur cette impeccable coupe de cheveux. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le bras sur la portière, je regarde les jets d'eau, il y a du soleil. Joe Dassin est un séducteur raffiné, d'une élégance nonchalante qui a marqué les années 70 de ses tubes. Il voit le jour le 5 novembre 1938 à New York. Oui, il est américain. Il est le fils d'une violoniste et du réalisateur Jules Dassin. La famille arrive en Europe victime du macartisme. Rien à voir avec Paul McCartney. Une période anticommuniste qui s'est développée aux États-Unis et qui a fait fuir certaines personnes plus ou moins proches du parti. Après avoir passé son bac à Grenoble, mention bien, bien joué Jojo. Il retourne aux États-Unis pour suivre des cours d'ethnologie. C'est à ce moment qu'il se passionne pour la chanson française. De retour en France, une amie travaillant pour CBS, label américain fraîchement installé en France, lui propose d'enregistrer un titre pour son anniversaire. Comme ça, juste pour rire, entre nous. Les pontes du label sont impressionnés par le résultat et tentent de le convaincre de devenir chanteur. Joe Dassin sort son premier 45 tours en 1964 et est le premier résident français à signer avec un label américain. Et comme le dit le Tarty Boss, c'est un américain qui imite le français parodiant un américain. C'est abyssal. Cela dit en passant, ce premier titre est une adaptation VOSTFR. Je change un peu de vent. Ce premier disque est un échec commercial, il faudra attendre 2 EP pour enfin avoir un succès d'estime avec Bip Bip. Quel coyote ce Joe Dassin. Mais son premier grand succès sera Les Dalton, sorti en 1967. La suite est une liste de titres emblématiques. Sifflet sur la colline, Les petits pains en chocolat... Et pas chocolatine, Joe Dassin a tranché. Les Champs-Elysées, l'Amérique, la fleur aux dents, l'équipe à Jojo, etc, etc, jusqu'au dernier slow. J'ai fait un peu de tout, un peu partout, sans savoir rien faire. Dernier slow qui n'est ni son dernier, ni son premier essai. Si vous avez les genoux qui flanchent, les mains moites et la gorge sèche, ça se comprend. En même temps, les mots-clés sont Bob Marley, No Woman No Cry, Joe Dassin et Slow. Ça commence à faire peur, non? Si tu penses à moi comme je pense à toi. Mon île est triste, c'est une plateforme d'acier, perdue dans les brouillards du nord. La mer d'Iroise est un grand pétrolier, où tout est noir, le ciel est l'or. Ça va faire 3 mois que l'on est séparé, 3 mois de trop. Mais l'hélicoptère qui vient d'Angleterre va m'apporter bientôt la lettre. Donc oui, Joe Dassin ose reprendre No Woman No Cry en français et le transforme en slow. On est loin des traditions du reggae, on fait péter la réverbe et on sort l'orchestre du placard. Cette adaptation est sortie en single en 1978 et est signée Claude Lemel et Pierre Delanoë, deux auteurs qui ont beaucoup contribué au succès de Joe Dassin. Comme au niveau de la musique, le ton est différent, on n'est plus du tout dans la nostalgie d'une époque mais bien ancré dans le présent. Le narrateur est isolé sur une île et pense à son amour lointain. Et c'est comme si nous assistions à l'écriture d'une correspondance entre les deux amants. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Pour résumer, la musique est complètement différente, le thème des paroles a été changé, donc au final, est-ce que c'est encore la même chanson ? Oui, car la mélodie du chant est la même, et c'est aussi le thème joué par l'ensemble des cordes. Mais la chanson subit tant de transformations que ça pourrait presque être un plagiat accidentel. À ce moment, la chanson française ne se tente pas encore de s'essayer au reggae. Gainsbourg le fera l'année suivante sur son album Aux Armes, etc. Mais déjà, c'est une petite brèche du genre dans la culture populaire française, même autant transformée. Il est donc logique de changer aussi le fond du texte. Et on imagine très bien l'ami Joe chanter cette chanson un pied sur un petit muret en scrutant la mer. Après une grosse tournée en 80 qui l'aura fatigué, Joe Dassin part à Tahiti pour se reposer. Il y décédera d'un infarctus, laissant en héritage ses chansons Parfum d'insouciance qui se siffle là-haut, sur la colline. La chanson française met du temps à s'adapter aux nouveautés. Cette petite brèche, faite par Joe Dassin avec un zeste de reggae, a peut-être permis au genre d'être mieux compris, ou du moins transposé pour des personnes hermétiques au changement. Il est aujourd'hui fréquent d'avoir des chansons populaires aux teintes d'un autre genre. C'est ce qui fait que la chanson française évolue. Il n'y a rien de plus triste qu'un genre qui stagne. Certains rappeurs sont considérés de nos jours comme des chanteurs de variété. Alors, quand certains disent que c'était mieux avant, il faut se dire qu'avant, il y avait des gens qui ne comprenaient pas pourquoi Joe Dassin reprend une chanson de Bob Marley qui ferait bien d'aller chez le coiffeur parce que franchement, c'était mieux avant. Vous trouvez déjà que c'est abusé ce slow ? Attendez, il y a une version espagnole. Le roi, je vous dis. Entre las brisas del mar, la sierra.